Alléluia. Amen. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je salue l'auditoire ici présent. Et je salue aussi nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. Et sans plus tarder, je vous invite à vous lever. On passe à la lecture de la parole. Lisons dans Actes chapitre 7. Le verset 51. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Homme au cou raide, un circoncis de cœur et d'oreilles, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Prions. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Sauveur, cet après-midi, nous te sommes encore infiniment reconnaissants parce que tu nous as accordé la grâce d'avoir la vie. Seigneur, nous sommes venus devant toi. Nous te prions de nous recevoir au travers du sang versé à Golgotha. Nous pardonner nos péchés, nos fautes, nos erreurs, nos iniquités. Nous confions ces moments en tes saintes mains. Tunaweka hii wakati mikono yako. Où est l'orateur d'une onction particulière? Où est l'interprète d'une onction particulière? Où est l'auditoire d'une onction particulière? Et lève-nous tous dans ta sainte présence ce soir. Que nous puissions manger la nourriture qui vivifie l'âme. Au sortir d'ici, Seigneur, que chacun de nous puisse dire dans son cœur, oui, réellement Dieu nous a parlé. Que toutes les solutions de tes enfants soient accordées. Que toute requête, Seigneur Jésus, trouve solution devant toi. Et que tu répondes à toutes les attentes de nos cœurs, Seigneur. Toi seul prends la prééminence dans cette église. Conduis toutes choses, Seigneur, sous la conduite du Saint-Esprit. Nous prenons de l'autorité sur toutes les puissances de l'ennemi. Ils sortent de ces lieux au nom de Jésus-Christ. Sois avec nous depuis jusqu'à la fin. Bénis ta parole que nous venons de lire. Bénis la bouche qui a lu. Bénis les oreilles qui l'ont entendu. Nous comptons sur toi. Au nom de Jésus-Christ, le véritable Dieu par qui nous avons ici prié, Père. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. La circoncision du cœur et d'oreille. Le plus important pour nous, c'est ce mot la circoncision. Et la circoncision n'est pas seulement un mot qu'on a employé dans le Nouveau Testament. Mais la circoncision, ça date depuis l'Ancien Testament. Lakini kutahiriwa ni atangia agano la kale. Dans l'Ancien Testament, mu agano la kale, Dieu avait appelé Abraham. Mungu alimuita Ibrahim. Oh, il était d'abord Abraham. Kwanza alikuwa Abraham. Quand Dieu l'avait appelé. Wakati Mungu alimuita. Et au fur et à mesure qu'Abraham a marché dans la fidélité avec celui qui lui avait appelé, na wakati Ibrahim alianza kutembea mubuaminifu na yule alimuita, la fidélité d'Abraham, buaminifu bwa Abraham, lui a amené à être changé même de nom. Bulimufikisha apate kubadilishiwa hata jina. Dieu changea son nom. Mungu akabadilisha jina yake. D'Abraham à Abraham. Kutoka kwa Abraham kwenda kwa Abraham. Et sa femme qui était Sarai. Na mke wake alikuwa Sarai. Dieu a changé son nom à Sarah. Mungu akabadilisha jina yake akakuwa Sarah. Amen. Dieu a changé leur nom. Mungu alibadilisha majina yabo. Il leur a circoncis. Ari batairi. Et il donne cet ordre où il fait l'alliance avec Abraham. Et qu'on a fait un agano na Abraham. Il lui fait cette alliance de sang. Anamufanya ile agano ya damu. Au moyen de la circoncision. Kupitia kutairiwa. Pouvons lire cela dans Genèse chapitre 17. Tunaweza kuisoma ku mwanzo 17. Genèse chapitre 17 à partir de verset 9. Mwanzo 17 kuanzia mstari wa 9. Dieu dit à Abraham. Mungu akamwambia Abraham. Toi, tu garderas mon alliance. Wewe utachunga agano yangu. Toi et tes descendants après toi. Wewe na uzao yako kisha wewe. Selon leur génération. Fatana bizazi byabo. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous. Njoi agano mutachunga katikati yangu na mweye. Et ta postérité après toi. Na uzao yako kisha wewe. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Kila mwanaume katikati yenu batamtahiri. Vous vous circoncirez. Mutatahiriana. Et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Na itakuwa alama ya agano katikati yangu na mweye. À l'âge de 8 jours. Mukimo ya mashiku munane. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Kila mwanaume katikati yenu batamtahiri. Selon vos générations. Patana bizazi bienu. Qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils étranger. Azalike munyumba au bari mununua kupitia fedha kwa mtu mgeni. Sans appartenir à ta race. Bila kuwa wa mkizazi. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Banapasha kutahiri ule alizalika munyumba na ule bariuza kwa fedha. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Na hii agano itakuwa mumili yenu agano ya lote. Un mâle incirconcis mwanaume washipo kutahiriwa. Qui n'aura pas été circoncis dans sa chair. Ule wa kumtahiri mumwili yake. Sera exterminé du milieu de son peuple. Ataondoshwa katikati ya taifa yake. Il aura violé mon alliance. Anaibia agano yangu. Alléluia. Vous comprendrez que ce que nous avons lu hier. Mutaelewa kusema kile tulisoma jana. Que l'alliance que Dieu avait traité avec Abraham. Kusema agano ile Mungu alifanya na Ibrahimu. C'était une alliance dans la chair. Ilikuwa ni agano ya mumwili. C'est pourquoi. Ndio kwa maana. Tous ceux qui venaient d'Abraham. Bote walikuwa natokea muzao ya Abraham. Tous les descendants d'Abraham. Muzao yote ya Ibrahimu. Ils ont été circoncis. Bote balitahiriwaka. Pourquoi? Ndio ya nini? Parce que c'était une alliance entre Dieu et Abraham avec sa postérité. Hii ilikuwa ni agano katikati ya Mungu na Ibrahimu na uzao yake. Amen. Amen. Lorsque Abraham a donné naissance à Isaac. Wakati Ibrahimu alizala Isaac. Abraham a circoncis Isaac. Ibrahimu alimtahiri Isaac. Écoutez ça dans Actes chapitre 7 le verset 8. Musikilize ile Matendo ya Mitume sura ya 7 mstari ya 8. Acte 7, le verset 8. Matendo 7, et le verset 9. Na mstari ya 9. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Kisha Mungu akampatia Ibrahimu agano ya kutahiriana. Et ainsi Abraham ayant engendré Isaac. Na hivi Ibrahimu akamzala Isaque. Le circoncis le 8e jour. Akamutairi siku ya 8. Isaac engendra et circoncis Jacob. Isaque akazala na kamutairi Yakob. Et Jacob les 12 patriarches. Na Yakobo bale baze 12. Pourquoi tous les 12 patriarches ont obtempéré à cela? Dia nini ama baze bote 12 batikia. Parce que c'était une alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Qui est la postérité d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui venait devrait marcher ou devrait suivre cette voie-là. Dans Exode chapitre 4, le verset 24, il est écrit ceci. Exode 4. Kutoka sura ya 4. Watu wamesema 24 hizi crisis. Kuanzia mstari 24 nasema. Pendant le voyage. Wakati walikuwa msafari. En un lieu où Moïse passa la nuit. Fashi moya pale Musa alipitisha usiku. L'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Wa milele akamkombanisha na kapenda kumuua. Pourquoi l'Éternel voulait faire mourir? Il voulait faire mourir Moïse. Parce que Moïse a négligé l'alliance qu'il avait avec Dieu. Comprenez bien que cette alliance était la circoncision. La circoncision de la chair. Se fera pris une pierre aiguë. Sephora akabeba ribwe mwe ya chombo. Pale propice de son fils. Akakata ngozi ya mtoto yake. Le jeta auprès de Moïse, au pied de Moïse. Na akaitupa kumikulu ya Musa. En disant, mkusema, tu es pour moi un époux de sang. Uko kwangu bwana wa damu. Et l'Éternel le laissa. Na wa milele akamwacha. C'est alors qu'elle dit, ndio kwa maana akasema, époux de sang. Bwana wa damu. À cause de la circoncision. Sababu ya kutahiriwa. Moïse a voulu négliger l'alliance que Dieu avait traité avec eux. Musa alipenda kusula agano ile Mungu alifanyaka nabo. Et Dieu a failli tuer Moïse. Na Mungu alitafuta kuua Musa. Parce qu'il voulait négliger la circoncision. Sababu alipenda kusula kutahiriwa. Il a donné naissance à son fils Gershom. Alizala mtoto yake Gershom. Et il ne voulait pas circoncire Gershom son fils. Na shikupenda kutahiri mtoto yake. Il négligeait. Akasula. Il pouvait dire peut-être que ça ne va rien faire. Akasema pengine haiwezi kufanya kitu. Mais devant Dieu. Lakini mbele ya Mungu. Comme c'était son alliance avec son peuple, Dieu devrait être derrière sa parole. Amen. Amen. Dieu a failli tuer Moïse. Alors, la circoncision, c'était une alliance, c'était une loi pour Israël. C'est toute une loi. L'ordre que Dieu avait donné. Et comme c'était l'ordre qui venait de Dieu, tout le monde était obligé d'être derrière cet ordre-là. Kila mtu alilazimishwa kuya kumukongo ya ile agizo. De pratiquer ce commandement que Dieu leur avait donné. Kutumikia ile amri Mungu alileta. Dans Exode chapitre 12. Mukutoka 12. Exode chapitre 12 à partir verset 43. Kutoka sura 12. Il est écrit ceci. Imeandiko hivi. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron. Wa milele akamwambia Musa na Aaron. Voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Tazama agizo juu ya mambo ya Pasaka. Aucun étranger n'en mangera. Mugeni hata moya achita kula. Tu circoncira tout esclave à qui a pris d'argent. Utatahiri kila mtumwa wa kuuza kwa fedha. Alors il en mangera. Pale sasa atakula. Même pour manger la Pâque. Hata juu ya kula Pasaka. Il fallait passer par la circoncision. Pasha kupita kutahiriwa. C'était ça l'ordre de Dieu. Ni ile ilikuwa agizo ya Mungu. Tous ceux qui n'étaient pas circoncis. Wote hawakuwa bakutahiriwa. Ils n'avaient pas l'accès au repas de Pâque. Aba kupasha kwenda kula kusala kula ya Pâque. C'était une loi que Dieu avait donnée à Abraham. Ile ni sheria Mungu alimkaburia Ibrahim. Une alliance. Agano. Que Dieu avait fait, avait traité avec Abraham. Ile Mungu alifanya na Ibrahim. Et cette alliance là devrait demeurer perpétuellement. Na ile agano ilipasha kudumu lote. L'alliance la circoncision. Agano ya kutahiriwa. Savez? Munajua? Que Abraham, pour qu'il arrive à ce niveau là, Ibrahimu juu afikie mkile kipimo. Que Dieu puisse faire l'alliance avec lui, cette alliance de la circoncision. Mungu apate kufanya agano na yeye ya ile kutahiriwa. Abraham était un païen. Ibrahimu alikuwa mpagano. Abraham n'avait pas connu Dieu. Ibrahimu asikujuwabe Mungu. Mais il est arrivé que, lakini ilifikia kusema, après la tour de Babel, kisha mnara ya Babeli, Dieu a trouvé bon d'appeler Abraham. Mungu aliona mzuri kumuita Ibrahimu. De faire d'Abraham son partenaire. Mfanye Ibrahimu akuye rafiki yake. Son collaborateur. Akuye rafiki yake. Frère Branham nous dit, Abraham ne connaissait pas Dieu. Ibrahim était un idolâtre. Ibrahim alikuwa il adorait là-bas à Babylone là-bas. Kule il adorait des idoles. Dieu l'avait appelé Mungu pour faire de lui ce que Dieu lui-même voulait. Dieu voulait faire d'Abraham ce que lui-même Dieu voulait que Abraham puisse devenir. Mungu kufanya na Abraham kile Mungu Abraham. Lorsqu'il a entendu la voix de Dieu, Abraham n'avait pas raisonné. Ibrahim Abraham n'avait pas douté. Ibrahim Abraham a cru à la voix de celui qui avait appelé. Ibrahim a et comme il avait cru à celui qui avait appelé, il s'est mis à obéir la voix de celui qui l'a appelé. Alléluia. Alléluia. Et quand Dieu a vu l'obéissance d'Abraham, na wakati Mungu aliona kutii kwa Ibrahimu, il devrait agréer maintenant la foi que Abraham avait. Alipata sasa kukubali ile imani Ibrahimu alikuwa nayo. Abraham a recevoir cette alliance de Dieu. Apate kupata ile agano ya Mungu. Cette alliance de la circoncision. Ile agano ya kutahiriwa. Écoutez pas ce que Hébreux dit. Sikiliza kwanza kile Waebrania anasema. Hébreux chapitre 11. Waebrania 11. En tout cas, nombreux écoutent la parole de Dieu, le mec comme ça. Les autres, bengine, ils sont tellement calmes, beko kimia, ils n'écrivent pas, abanjike, ils ont des têtes, des ordinateurs, beko na bichwa sama ordinateur, ils ont la facilité de maîtriser tout ce qu'on enseigne. Beko na bwepesi ba kuweka biote ba nafundisha. Ce n'est pas une bonne chose. Hein? Ile ina kitu kizuri ile. Nous sommes à l'école de Dieu. Toku masomo ya Mungu. Ici nous sommes à l'école de Dieu. Hapa toku masomo ya Mungu. À l'école du Saint-Esprit. Ku masomo ya Roho Mtakatifu. À l'école de la parole. Masomo ya neno. Comment toi qui connais écrire mais tu n'écris pas, tu viens à l'église membre là on a couru à micro tubule ah le membre là on a couru à tout micro là hein le même vide micro boule toi qui a une intelligence oui, on a akili, tu connais aussi écrire na on a eu à kuandika viens à l'église kanisa, comme étant un spectateur ça va couru à tout kuangalia bintu c'est pas bon ça aina mzuri ile écoutez ce que la Bible dit sikiliza kile Biblia nasema Hébreux chapitre 11 wa Hébrania 11 à partir du verset 8 et le verset 9 kuanzia msara 8 na c'est par la foi qu'Abraham ni kupitia imani Ibrahimu lors de sa vocation wakati ya mwito yake obéi est parti pour un lieu qu'il devrait recevoir en héritage aliti na kwenda fuashi kule alipata kupata urithi yake. C'est par la foi. Quand Abraham a entendu la voix de celui qui l'a appelé, il n'a pas raisonné. Il ne s'est pas resté, il n'est pas resté là pour commencer à réfléchir. Celui qui m'a appelé, il est qui? Comment il va faire? Il va faire quoi de moi? Parce qu'Abraham n'était pas pauvre. Abraham, quand Dieu l'appela, il était un homme riche. Mais il n'a pas réfléchi. Il a obtempéré à la voix de celui qui l'a appelé. Abraham, il avait la foi. Et la foi qu'il avait de sa vocation vis-à-vis de celui qui l'a appelé, il a obéi. Et quand il a obéi, il partit. Il s'est mis en marche pour aller recevoir l'héritage que Dieu lui a promis. Dieu a kwenda kupata urithi ile Mungu alimulaka. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Na alienda bila kujua kule alianza kwenda. Abraham lorsque Dieu l'appela, Ibrahim wakati Mungu alimuita, il ne savait pas où aller. Asikujua kule konenda. Où est-ce qu'il allait? Na wapi kule konenda? Mais comme c'est Dieu qui l'avait appelé. Ile ni Mungu ndio alimuitaka. Il n'a pas raisonné. Asikufikiri. Il avait seulement la foi de celui qui avait appelé. Hapo na imani ya yule alimuita. Il avait la foi en celui qui l'a appelé. Alikuwa na imani ndani ya yule alimuita. Et il a obéi. Na ariti. Alléluia. quand il a obéi, écoutez, c'est par la foi qu'il va s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère. Habitant sous des tentes. Et ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Pamoja na Isaac na Yakobo bariti ba malako moya. Quand tu as appelé Abraham, wakati Mungu alita Ibrahimu, Abraham ne savait pas où il allait. Ibrahim hakujua kule bonenda. Et il avait seulement la foi de celui qui l'avait appelé. Lakini alikuwa na imani ya yule alimwita. Il se disait que celui qui m'a appelé, alisema yule alinita, ah, il n'est pas un homme pour me perdre. Asina mtu jua kunipoteza. Il n'est pas un homme pour me tromper. Asina mtu jua kunilanda. Mais comme il m'a appelé, vile alinita, il m'a dit qu'il me montrera où j'irai, où je vais. Alors Abraham s'est mis en route. Il a pris tout ce qui lui appartenait. Il partait. Est-ce que vous remarquez cela? Abraham ne douta pas. Il n'a pas douté à celui qui l'a appelé. Abraham s'est mis en route. Alléluia. Alléluia. Abraham, qui était déjà vieillard, de 75 ans, il n'a même pas douté de la promesse de Dieu. Il s'est mis en route. Écoutez, frère, le verset 12. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, n'acquit postérité, nombreuses comme les étoiles du ciel. Abraham, qui était déjà vieux, il n'a pas douté de la promesse de Dieu. Il s'est mis en route pour aller là où Dieu devrait le placer. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas quelque chose de simple. Là où il habitait, il le connaissait. Mais là où il partait, il ne connaissait rien. Alors Abraham avait la foi. Pale Ibrahim alikuwa na imani. C'est cette foi là qu'il avait. Ni ile imani alikuwa nayo. Que Dieu était en train de regarder dans Abraham. Mungu alikuwa anaangalia ndani ya Ibrahim. La foi qu'Abraham avait en Dieu. Imani ile Ibrahim alikuwa nayo ndani ya Mungu. Et il ne s'est pas mis seulement à croire. Asikujiweka tu juu ya kuamini. Mais il s'est mis en route. Na aliingia munjia. Il a obéi. Ariti. Et pour avoir obéi à l'appel de Dieu. Pour avoir obéi à ce que Dieu lui avait promis sans d'abord avoir vu, Dieu est descendu. Il a traité avec Abraham une alliance perpétuelle. Alléluia. C'est pourquoi vous remarquerez que la circoncision, c'est l'approbation de la foi d'Abraham. C'est un signe que Dieu avait accepté sa foi et son obéissance. Alléluia. Alléluia. Écoutez ce que le prophète nous dit ici. Dans quel secret le Saint-Esprit, paragraphe 28. Écoutez un peu, bien-aimé. Abraham n'avait pas douté. Ibrahim a shushakia. Dieu qu'il était. Comme c'est Dieu qui l'a appelé. Vile ni Mungu alimuita. Il a cru à celui qui l'a appelé. Ariamini kwa yule alimuita. Il n'a pas raisonné. Asikufikiri. Il s'est mis en marche. Alianza kutembea. Abraham. Ibrahim. Il avait la foi. Alikuwa na imani. Eh, la foi doit marcher avec l'obéissance. Na imani inatupasha kutembea na kutii. Il a cru en Dieu. Ariamini ndani ya Mungu. Eh, il a obéi à la voix de Dieu. Ariti kuneno ya Mungu. Il s'est mis à croire. Na aliweka mkuamini. Il s'est mis à espérer. Alianza kutumainia. Il s'est mis à attendre jusqu'à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Na alianza kuchunga pa kutimilika kwa malako ya Mungu. Écoutez. Sikiliza. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Roho Mtakatifu ni nini? Paragraphe 28. En effet. Kwa hivi, Dieu a fait une alliance avec Abraham. Mungu alifanya agano na Ibrahimu. Après qu'il a appelé Abraham, kisha yeye kumuita Abraham, ce qui est un type de l'appel du croyant aujourd'hui. Ile yenye kuya mfano ya wito ya mwaminifu leo. Il a appelé Abraham. Arimuita Ibrahim. C'est-à-dire Dieu a appelé Abraham. Ni kusema Mungu arimuita Ibrahim. Et Abraham est sorti de son pays pour aller dans un pays étranger. Na Ibrahim alitoka muinchi yake juu akwenda muinchi ya kigeni. Pour habiter parmi les étrangers. Juu akikala katikati ya bageni. Eh! Na. C'est un type de quand Dieu appelle un homme à arrêter sa méchanceté. Na ni mfano ya kama Mungu anaita mtu apate kushimamisha roho yake mubaya. À se repentir de son péché. Apate kutubu kuzambi yake. Alors, pale, il s'éloigne du groupe dont il faisait partie. Atenda mbali ku kikundi kule alikuyakamo. Pour vivre dans un nouveau groupe. Je akuishi mkikundi kia sasa. Au milieu d'un nouveau genre de personnes. Katikati ya bantu bengine ba sasa. Ce que Dieu avait fait avec Abraham. Ndio kile Mungu alifanya na Ibrahim. C'est le type de ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui avec les croyants. Ni picha ya bile Mungu anafanya leo na baaminifu. Je sais pas si vous êtes là. Sijue kama mko pale. Ce que Dieu avait fait à Abraham. Kile Mungu alifanya na Ibrahim. Il l'a retiré de son pays. Alimtosha mwinchi yake. Dieu lui a dit. Mungu yeye alisema. Quitte ton pays. Toka mwinchi yako. Quitte ta patrie. Toka mwinchi yako. Quitte ton père. Toka kwa quitte ta mère. Toka mama yako. Quitte tout ce qui t'appartient. Toka mubiote bile ni biyako. Tout ce qui est à toi. Biote bine kwa biyako. Va dans le pays que je te montrerai. Uende mwinchi kule mita kuonesha. Abraham ne connaissait pas le pays en question. Ibrahim ashikuwa anajua ile mukini. Il était seulement mis en route. Alijiweka tu mubalabala. Il partait seulement. Akaanza tu kuenda. Suivant la conduite de Dieu. Mukufuata uongozi ya Mungu. Ce n'était pas facile, hein. Abikukue teketeke. Le prendre dans son lieu habituel. Kumubeba mwinchi yake akikalia. Et l'emmener aller vivre avec des étrangers qu'il n'a jamais vu. Na kumuita akaishi na bageni bale ashi ya dans une terre étrangère. Mwinchi mwe ya kigeni. Un pays étranger. Mwinchi mwe ya kigeni. Ce n'était pas facile pour Abraham. Abikukue teketeke kwa Ibrahim. Nandu Branham anasema. C'est le type du quand Dieu appelle un croyant. Ni picha ya kama Mungu anaita mwaminifu. Vous savez quand Dieu a appelé Abraham. Munajua wakati Mungu alimuita Ibrahim. Il lui a exigé une chose. Alimulazimisha kitu kimoja. Quand tu l'as appelé, wakati alimuita, il lui a exigé de se séparer. Alimulazimisha apate kujitenga. De se séparer avec tout ce qui était attaché à lui. Achane na bile biote bilikuwa nambatana naye. Tout ce qui était accroché à lui. Biote bile bilikuwa nambatana naye. Dieu lui a demandé de se séparer avec tout ça. Mungu alimulazimisha apate kuachana na biote. C'est ce que Dieu est en train de faire avec chaque croyant aujourd'hui. Ndio kile Mungu anafanya kila mwaminifu leo. Et Abraham est le type de croyant d'aujourd'hui. Na Ibrahimu ni picha ya Bakristo ba leo. La même chose que Dieu a fait d'Abraham. Kimoya kile Mungu alifanya Ibrahim. C'est la même chose que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Na ndio kile Mungu anafanya leo. Je vous prie, ne faites pas ceci quand vous écoutez la parole. Niko na milomo hapana kuweka mkono kulichafu wakati unasikia neno ya Mungu. Kuweka mkono hivi. Ni mbaya. Vous écoutez la parole, vous êtes comme ça. Uko unasikia neno mimi uko na mkono kulichafu. Vous êtes fatigué. Kama unachoka. Mais vous se tenir debout et aller derrière là-bas. Iko mzuri kushimama kwenda kule kumkongo. Ça sera une bonne chose. Itakuwa kitu kizuri. À l'église. Kwa kanisa. Prenez une bonne position. Kukuwe na ali mzuri. Parce que nous sommes devant le Seigneur. Juku mbele ya Bwana. Et nous sommes en train d'être instruits par le Seigneur. Na tuko nafundishwa na ndani ya Bwana. Tout ce que Dieu a fait avec Abraham. Biote vile Mungu alifanya Ibrahimu. C'est ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui avec chaque croyant. Ndio vile Mungu yuko anafanya leo na mwaminifu wote. Chaque croyant que Dieu appelle. Kila mwaminifu le Mungu yuko anaita. Écoutez. Sikiliza. Ce que Dieu a fait avec Abraham. Kile Mungu alifanya Ibrahimu. Il lui a séparé. Alimwatenga. De tout son monde habituel. Na ile ulimwengu yote alikuwa anazobelea. De tout ce qui était accroché à lui. Ubiote bila alikuwa anambatana navyo. C'est ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Ndio kile Mungu anafanya leo. Alléluia. Allô! Pale. Il s'éloigne du groupe dont il faisait groupe partie. Aliachana na kikundi kile alikuyakamo. Pour vivre dans un autre groupe. Je akuishi mkikundi kingine. Au milieu d'un nouveau genre de personnes. Katikati ya bantu bengine ba sasa. Et puis, na kisha, après que Dieu a trouvé Abraham fidèle à la promesse que Dieu lui avait donné. Kisha Mungu kumukuta Ibrahim alikuwa mwaminifu kumalako Mungu alimkaburia. Je reprends. Minarudilia. Et puis, kisha, après que Dieu a trouvé Abraham fidèle. Wakati Mungu aliona kusema Ibrahim kwa mwaminifu. À la promesse que Dieu lui avait donné. Kumalako ile Mungu alimupa. Selon laquelle il aurait l'enfant. Kufatana na ile ya kusema anapasha kupata mtoto. Et qu'à travers cet enfant toute la terre serait bénie. Na kupitia ule mtoto ulimwengu yote itabarikiwa. Alors Dieu a confirmé sa foi. Pale Mungu akahakikisha imani yake. L'église vous êtes présente. kanisa mko wako, Dieu a confirmé sa foi. Mungu alihakikisha imani yake. Dieu est descendu pour confirmer la foi qu'avait Abraham. Mungu alishuka juu kuhakikisha imani ilikuwa na Israeli. La promesse de Dieu. Ku malako ya Mungu. En lui donnant un signe. Na kumkaburia alama. Alors Dieu a confirmé sa foi. Mungu akahakikisha imani yake. En lui donnant un signe. Kumkaburia alama. Et ce signe. Na ile alama. C'était la circoncision. Ilikuwa ni kutahiriwa. Eh, na, la circoncision kutahiriwa est un type du Saint-Esprit. Ilikuwa picha ya Roho Mtakatifu. Église, vous êtes là? Kanisa mko pale. La circoncision kutahiriwa que Dieu avait donné à Abraham. Ile Mungu anukaburia Ibrahimu. Le signe, la circoncision. Alama ya kutahiriwa. C'était le type du Saint-Esprit. Ilikuwa ni picha ya Roho Mtakatifu. Au paragraphe 30. Mu paragraphe 30. Didi, anasema. La circoncision kutahiriwa est un type du Saint-Esprit. Picha ya Roho Mtakatifu. Et Dieu. Na Mungu. A donné à Abraham le signe de la circoncision. Anukaburia Ibrahimu alama ya kutahiriwa. Après qu'il a accepté Dieu sur sa promesse. Kisha yeye kukubali Mungu yule ya malako yake. Dieu pour avoir accepté, pour avoir vu Abraham accepter sa promesse. Mungu wakati aliona Ibrahimu kuitikia malako yake. Il a donné à Abraham le signe de la circoncision. Akampatia Ibrahimu alama ya kutahiriwa. Je suis en train d'attirer votre attention. Niko navuta angalisho yenu. Pour que vous sachiez pourquoi Dieu a donné le signe de la circoncision à Abraham. Jumpate kujua jioni Mungu alileta alama ya kutahiriwa kwa Ibrahimu. C'est vrai que c'est des choses que vous avez déjà entendues. Je suis en train de vous rappeler. Comme je l'ai dit hier, vous êtes très bien enseigné. La circoncision était un signe kutahiriwa ilikuwa ni alama que Dieu avait accepté la foi d'Abraham. Kusema Mungu alikubali imani ya Ibrahimu. Le signe de la circoncision. Alama ya kutahiriwa. Après qu'il a accepté Dieu sur sa promesse. Kisha yeye kuitikia Mungu kwa malaika yake. Et qu'il est parti dans un pays étranger. Na alienda mwinchi ya kigeni. Voyez. Munaona. C'était un signe. Ilikuwa ni alama. Alléluia. Alléluia. Et tous ses enfants. Na batoto yake bote. Tous les enfants d'Abraham. Batoto bote ba Ibrahimu. Et sa postérité après lui. Na uzao kisha yeye. Il fallait qu'ils aient ce signe dans leur chair. Ili pasha bakwe na ile alama mumili yabo. Tout ce qui venait d'Abraham. Bote alikuwa mtoto wa Abraham. Toute sa postérité. Uzao yake yote. Devrait avoir ce signe là. Ba pasha kuwa na ile alama ile. Pourquoi? Dieu a nini? Parce que Dieu c'était un signe distinctif. Dieu ilikuwa ni alama ya kubatanisha. Ah! Un signe distinctif. Alama ya kubatanisha. C'est qu'on appelle lingala. Ile wanaita mlingala. Elembo ya bokeseni. Alama ya kubatanisha. Ah? Ah. Un signe distinctif. Alama ya kubatanisha. Babeni yango elembo ya bokeseni. Beko naita alama ya kubatanisha. Je crois que vous êtes là. Nawaza kusema uko pale. Le signe de circoncision. Alama ya kutahiriwa. Pour Abraham. Kwa Ibrahimu. Et sa postérité. Na uzao yake. C'est un signe distinctif. Ilikuwa ni alama ya kubatanisha. Pour que cela puisse le distinguer de toutes les nations de la terre. Ile ipate kubatanisha na mataifa yote hapa dunia. C'est ça la raison pour laquelle Dieu leur a donné ce signe. Ndio sababu yenye Mungu aliwakaburiaka ile alama. Pour que son peuple qu'il a choisi. Juu taifa ile alichakula. Soit différent des autres peuples du monde. Bapate kuachana na bantu bengine hapa dunia. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur. Ndiyo ndugu yangu na dada yangu. Écoutez. Sikiliza. C'était un signe. Ilikuwa ni alama. Tous ces enfants qui devaient venir. Batoto bote walipasha kuya. Toute sa postérité avec après lui. Uzao yote kisha yeye. Il fallait qu'ils aient ce signe. Walipasha kuya na ile alama. Dans leur chair. Mili yabo. Parce que c'était un signe distinctif. Juu ilikuwa ni alama ya kubatanisha. Il servait à les distinguer de tous les autres peuples, ce signe de la circoncision. Ilikuwa nasaidia kubatanisha na bantu bote ile alama ya kutahiriwa. Ce signe de la circoncision. Ile alama ya kutahiriwa. Était pour faire la distinction. Ilikuwa juu ya kufanya achanisho. Entre le peuple de Dieu. Katikati ya taifa ya Mungu. Le peuple choisi de Dieu. Taifa yenye kuchaguliwa ya Mungu. Et le peuple du monde. Na bantu hapa dunia. Donc la circoncision. Ni kusema kutahiriwa. Était tellement important. Ilikuwa kabisa ya mafaa. Pour Abraham. Kwa Ibrahimu. Et pour sa postérité. Na kwa uzao yake. La circoncision de la chair. Kutahiriwa mumwili. Écoutez. Fais voir comment continue à parler. Écoutez. Sikiliza. Il servait. Balanza kutumikia. À les distinguer de tous les autres peuples. c'est signe la circoncision. Ilikuwa nasaidia kubatanisha na taifa yote ile. Paragraphe 31. Nukta makumi tatu na moja. Et c'est ce que Dieu utilise aujourd'hui. Ile Mungu anatumia leo. C'est le signe de la circoncision du cœur. Ni alama ya kutahiriwa kwa roho. Aujourd'hui, Léo, c'est ça le signe que Dieu est en train d'utiliser encore aujourd'hui. Ndio ile alama Mungu anatumia tena leo. C'est le signe de la circoncision. Ile alama ya kutahiriwa. C'est ce que Dieu est en train d'utiliser encore aujourd'hui. Ndio ile Mungu anatumia tena leo. Alléluia. C'est ce que Dieu utilise aujourd'hui. Ndio ile Mungu anatumia leo. C'est le signe de la circoncision. Du cœur. Ni alama ya kutahiriwa kuro. Chez Abraham et à sa postérité. Kwa Ibrahim na uzao yake. Dieu l'a utilisé. Mungu alitumia. Dans la chair. Mwili. Mais aujourd'hui. Lakini leo. Dieu est en train d'utiliser ce signe de la circoncision. Mungu anatumia ile alama ya kutahiriwa. Dans le cœur. Ndani ya roho. La circoncision de la du cœur. Kutahiriwa kwa roho. Écoutez. Sikiliza. Cette circoncision. Hii kutahiriwa. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Qui fait de l'église de Dieu une église séparée de tous les autres credos. Ile kunafanya kanisa ya Mungu, kanisa yenye kuachana na ile ingine mafundisho ya bongo. Vous comprenez? Eti munaelewa? Dieu. Mungu. A prouvé la foi qui était dans Abraham. Alihakikisha imani ilikuwa ndani ya Ibrahimu. En lui donnant le signe de la circoncision. Mkumpatia alama ya kutahiriwa. Pour montrer la différence entre le peuple de Dieu. Dieu a kuonesha chanisho katikati ya taifa ya Mungu. Et le reste du monde. Na bantu bengine bote. C'est-à-dire pour séparer son peuple des autres peuples du monde. Ni Dieu a kutenganisha taifa yake na taifa ingine ya mudunia. C'était ça. Ndio ilikuwa ile. Et c'est ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Na ndio ile Mungu anafanya leo. Dieu est en train d'utiliser le signe de la circoncision. La circoncision du cœur. Mungu anatumikia ile kutahiriwa kwa roho. Par le Saint-Esprit. Kupitia Roho Mtakatifu. Pour amener son église. Dieu a kupeleka kanisa yake. À la séparation avec tous les credos du monde. Ipate kuachana na madhehebu yote ya pa dunia. Alléluia. Le Saint-Esprit qui fait de l'église de Dieu une église séparée de tous les autres credos. Yenye kufanya kanisa ya Mungu, kanisa yenye kuachana na madhehebu yote. De toutes les autres croyances. Na maimani yote. Et de toutes les autres dénominations. Na ile madhehebu ingine yote. Vous remarquez ce qui se fait la différence entre les dénominations. Mungu anaona kile kinafanya chanisho katikati ya dhehebu. Et l'église du Dieu vivant. Na kanisa ya Mungu aliye hai. L'église du Dieu vivant. Kanisa ya Mungu aliye hai. Dieu est en train d'utiliser un signe. Mungu anatumia alama moja. De la circoncision du cœur. Ya kutahiriwa kwa roho. Pour amener l'église à se séparer de toutes les choses du monde. Dieu a kupeleka kanisa ipate kuachana na vitu vyote vya dunia. Alléluia. C'est pourquoi vous remarquerez que. Ndio kwa maana mtaona kusema. Tout le monde a la parole à cette Bible ici. Bantu bote hapa beko na Biblia hii. Toutes les églises du monde. Makanisa yote hapa dunia. En dehors des musulmans. Kutoshia tu paka ba musulmans. Bon, leo aussi ils lisent aussi la Bible. Ata bona ko banasomaka Biblia. Ils lisent aussi la Bible. Na bo banasomaka Biblia. Mais toutes les églises du monde. Makanisa yote hapa dunia, ba Kristo wa dunia. Tout ce qui s'appelle chrétien. Bote wale wanajitaba ba Kristo. Ils utilisent la Bible. Beko natumia Biblia. Mais il y a une grande différence. Lakini kwa tanisho moja mkubwa. Entre l'église du Dieu vivant kati ya kanisa Mungu aliye hai et les dénominations na madhehebu c'est que dans l'église du Dieu vivant ni kanisa Mungu aliye hai il y a un signe distinctif. Kuna kuko alama ya kubatanisha. Et ce signe distinctif. Na ile alama ya kubatanisha. C'est le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Dans le cœur des croyants. Mumaro ya baaminifu. Pour faire la différence. Dieu a kuleta kwa chanisho. Église, vous êtes présente, hein? Eti kanisa mko wako. Oui, mon bien-aimé. Ndio bapendwa. Dieu est en train d'utiliser le Saint-Esprit. Mungu atumia Roho Mtakatifu. Dans la circoncision du cœur. Utairua kwa roho. La circoncision du cœur. Utairua kwa roho. Le signe que Dieu est en train d'utiliser aujourd'hui. Mungu anatumia leo pour séparer son église. Dieu a kutenganisha kanisa yake de tous les autres credos du monde. Na ile mafundisho ingine yote hapa dunia. Oui, mes bien-aimés. Ndio bapendwa. Écoutez, nous continuons à lire ici. Sikiliza tunaendelea kusoma hapa. Yeah. Et de toutes les autres croyances. Na ile makuamini kwingine kote. Denomination. Na madhehebu yote. Amen. Amen. C'est ce que Dieu est en train d'utiliser aujourd'hui. Mais quelque chose qui est remarquable. Kitu kimwe kiko kya kuonekana. Dans tout ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham. Muyote ile ilipitikana maisha ya Ibrahimu. C'est qu'Abraham. Ni kusema Ibrahimu. Il a cru à quelqu'un qu'il n'a pas vu. Aliamini mtu ule asikuone. Et il a aussi obéi à quelqu'un qu'il ne voyait pas. Na aliti kwa ule mtu asikuanze kuona. Atuka sasa doit attirer l'attention de chaque chrétien. Ile inapasha kuvuta angalisho kila mwaminifu. Cela doit attirer l'attention de chacun de nous. Ile inapasha kuvuta angalisho kila mmoja wetu. Abraham n'a pas vu. Ibrahimu asikuone. Il entendait seulement la voix. Anaona kushikia tu sauti. Peut-être qu'il était seulement la division. Sasa zingine ilikuwa ni maonyo. Mais il a cru. Akini aliamini. Il a cru. Aliamini. Et il se met en marche. Na akaanza kutembea. Oh non, ça c'est merveilleux. Hapana, ile ni adamani. Abraham avait la foi. Ibrahimu alikuwa na imani. Et l'obéissance. Na utifu. C'est des choses là. Bile vitu biwili. C'est ce que l'église a besoin. Ndio kile kanisa inahitaji. La foi et l'obéissance. Imani na kutii. La foi, frère. Imani nduku. Si vous dites que vous croyez. Kama unasema unaamini. Mais la foi. Sasa imani. La foi doit être retrouvée par l'obéissance de la parole. Imani inapaswa kuonekana mkutii kwa neno. Si vous croyez en Dieu. Kama unaamini ndani ya Mungu. Vous croyez aux promesses de l'heure. Unaamini kwa malako ya wakati. Mais l'obéissance doit être là. Sasa kutifu unapaswa kuwa. Vous pouvez jamais dire que vous croyez. Unaweza kama kusema unaamini. Sans pourtant obéir. Bila kutii. Non, frère. Hapana nduku. Si vous dites que vous avez la foi. Kama unasema kuna imani. Votre foi. Imani yako. Doit produire des œuvres. Inapasha kutoa matunda. Les œuvres de l'obéissance. Matende ya utifu. Alléluia. Oui, frère. Ndio nduku. Comment on dit ceci? Ndio bwana anasema hivi. Dans la prédication de Jéhovah Jireh. Mumahubiri Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Jéhovah Rire. Troisième partie. Pande ya tatu. Le paragraphe 66. Paragraphe 66. Écoutez. Sikiliza. Eh bien. Mzuri. À propos d'Abraham. Kumama nangaria Ibrahim. Il y a une chose que je désire vous faire remarquer. Kwa kitu kimoni kunapenda kumionesha mpate kuangalia. Une chose que le prophète veut faire remarquer à l'église. Kitu kimoya kile nabii kunapenda kuonesha ukanisa. Écoutez cette chose là. Sikiliza kile kitu. Il met des points. Anaweka manuka. Il a obéi à la parole de Dieu. À la lettre. Aritiku neno ya Mungu paka vile Mungu alisema. Je ne sais pas si vous êtes présent. Misielewe kama mko wako. Hein frère. Hein duku. Nous sommes pas à la morgue. Atuna ku morgue. Nous sommes là où la vie éternelle est en train d'être déversée. Tuko pale bujio wa milele buko na mwangika. Là où la vie éternelle est en train d'être déversée. Na pale bujio wa milele buko na mwangika. Là le Saint-Esprit est en train d'être donné. Pale Roho Mtakatifu unapewa. Il doit y avoir des bruits. Unapasa kukue makelele. Nous sommes à la maternité ici. Tuko ku maternité hapa. La maternité de Christ. Maternité ya Kristo. Oui frère. Ndio nduku. Abraham. Ibrahimu. À propos d'Abraham. Mambo ya Ibrahimu. Abraham était obéissant. Ibrahimu alikuwa mutifu. Il a obéi à la lettre. Ari utifu paka vile Mungu alisema. Toute la promesse de Dieu. Kumalako yote ya Mungu. Non, ça c'est très bien. Bile ni vizuri. C'est seulement aujourd'hui. Aina mpaka leo. Que nous remarquons des croyants. Ile tuko naona baaminifu. Des croyants. Baaminifu. Plus encore des chrétiens. Benikuita tena ba Kristu. Parce que ceux qui croient à la Bible. Ju bele bego naamini ku Biblia. Ce sont des chrétiens. Ni ba Kristu. Tous ceux qui croient à la Bible. Bote bele naamini ku Biblia. Ce sont des chrétiens. Ni ba Kristu. Mais nous remarquons comme milieu de chrétiens, de ceux qui se disent des chrétiens. Tu vois, on a kusema katikati bele bego najita ba Kristu. Des gens qui se disent qu'ils croient. Bantu bele wanasema banaamini. Mais ils n'ont pas l'obéissance à la parole de Dieu. Lakini bana batifu kuneno ya Mungu. Ça c'est un grand problème. Ile ni mambo mkubwa. Abraham. Ibrahimu. Qui était aussi païen comme nous. Dieu l'a appelé. Mungu alimuita. Il a cru. Akamina. Et il a obéi. Na akati. Oui, mon frère, ma soeur. Ndiyo ndugu yangu na dada yangu. L'obéissance. Kuti. Il est écrit. Imeandikwa. Tout ce que vous pouvez faire à Dieu. Kyote kile unaweza kufanyia Mungu. C'est bien. Ni mzuri. Mais l'obéissance à la parole de Dieu. Lakini kuti kuneno ya Mungu. Vaut plus que le sacrifice. Huko unapita na masadaka. Alléluia. L'obéissance à la parole de Dieu. Kuti kuneno ya Mungu. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Ni kuti kuneno ya Mungu. Qui réjouit le cœur de Dieu. Ile unafurahisha roho ya Mungu. Quand quelqu'un obéit à la parole de Dieu. Wakati mtu ni mtifu kuneno ya Mungu. Il fait réjouir le cœur de Dieu. Ile unafurahisha roho ya Mungu. Mais quand quelqu'un est désobéissant. Sasa wakati mtu ashina wakuti. La désobéissance. Kukosa kuti. Ça éloigne la personne loin de Dieu. Ni kupeleka mtu mbali na Mungu. Oui frère. Ndio nduku. Si Abraham était désobéissant. Kama Ibrahim alikuwa wa kutokutii. Il allait recevoir le sceau. Atakupasha kupata muhuri. Le signe d'approbation de sa foi. Alama kukubali kwa imani yake. Abraham avait cru. Ibrahim alikubali. Nous aussi. Qui prétendons quoi? Bali wewe tunaamini. Croyons et obéissons à la parole. Tuamini na tutii kuneno. Alléluia. Jacques nous conseille. Yakobo yuko anatushauri. Ne pas être des auditeurs oubliés. Tushikie tu makushikia na kusahabu. Qui viennent juste à l'église. Banakuya tu kanisa. Ils entendent la parole. Banasikia neno ya Mungu. Qui repartent. Kisha wanaenda. Les mêmes histoires reviennent. Vitu vimwebimwe vinarudia. Hapana. Ce n'est pas bon. Haina mzuri. Quand nous venons à l'église. Wakati tunakuja kanisa. Nous venons écouter la parole. Tunakusikia neno. Il faut obéir la parole de Dieu que nous écoutons. Tunapasha kutii neno ya Mungu ile tunashikia. Et quand Dieu va remarquer que nous obéissant sa parole. Na wakati Mungu ataona kusema tunatii neno yake, il fera la même chose qu'il a fait à Abraham. Atafanya kitu moyo moyo alifanya na Ibrahim. Quand Abraham a obéi à la promesse. Wakati Ibrahim alitii kumalaku. Il a obéi à la parole. Alitii kuneno. Dieu a donné le signe la circoncision. Mungu alimupa alama ya kutahiriwa. C'est comme ça que Frère Branham nous conseille. Yo vile ndugu Branham anashauri. Anasema, c'est la pleine obéissance à la parole de Dieu. Ni utifu atele kuneno ya Mungu. Qui nous donne le droit de recevoir le signe. Ndio ile tukaburi alali ya kupokea alama. Eti kupo bantu yako natia hapa. Ndugu. La pleine obéissance à la parole de Dieu. Kuti kwa tele. C'est ça qui nous amènera, qui nous donnera le droit de recevoir le signe que Dieu donne aujourd'hui. Ile ndio tukaburia alali ya kupata alama ile Mungu analeta leo. Alléluia. Sans l'obéissance. Bila utifu. Ces signes là. Ile alama ile. De la circoncision du cœur. Ya kutahiriwa kwa roho. Qui est le Saint-Esprit. Cela ne viendra pas. Dieu a besoin de voir dans chacun de nous l'obéissance totale à sa parole. Écoutez ce que la Bible dit ici. Dans Actes chapitre 5. Matendo ya Mitume sura ya 5. Actes chapitre 5. Matendo sura ya 5. Le verset 32. Nous sommes témoins de ces choses. Tuko bashuda ba bibintu. De même que le Saint-Esprit. Hivyo hivyo Roho Mtakatifu. Que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ile Mungu alikabula kwa bale benye kumutii. Alléluia. Dieu, Mungu, il donne ces signes du Saint-Esprit dans le cœur. Il circoncit le cœur des gens de tout ce qui lui obéit. Le Saint-Esprit ne viendra pas circoncire n'importe qui. Mais le Saint-Esprit viendra circoncire ceux qui sont obéissants à la parole que le Saint-Esprit a écrite. Bale benye kuya batifu kuneno ile Roho Mtakatifu iliandika. Que le Seigneur Jésus-Christ, Bwana Yesu Kristu, vous bénisse pour ce soir. Aimbariki Joy Mangaribi.